Ah, mais mes amis. Oui. Quelle époque de merde on vit. À force de diaboliser la consommation d'alcool, les producteurs de vin n'ont plus le moral. Et que l'alcool, c'est mauvais pour la santé, et que c'est très mauvais pour la jeunesse, etc., etc., etc. Oh, rien que des conneries qui mettent le moral des Français à plat. Enfin, quand je veux dire les Français, je veux parler les vrais Français, des patriotes qui ont à cœur de défendre les valeurs culturelles de ces beaux pays. C'est pour ça que moi, Helmut, défenseur des libertés et des droits inaliénables, oui, de l'individu qui se vive, j'ai décidé de lancer une grande campagne de réhabilitation de la bibine. J'ai donc convoqué la presse hier après-midi pour démonter à un tous les arguments de ces peines à jouir des services de santé publique. J'ai commencé avec mes équipes de reporters à mes côtés à me promener à l'heure du déjeuner dans les salles de restaurant. Je guettais d'un œil affûté les buveurs d'eau. Alors... Ah, la table au fond à droite. Je crois bien que j'ai repéré du mauvais citoyen. Suivez-moi les gars. Monsieur dames, bonjour. Helmut Perchu, grand défenseur des valeurs du terroir. Elle est où la bouteille de vin? Pas de vin à midi. Ah, c'est bien ce que vous venez de me dire. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Garçon! Garçon! Viens là, crétin. Tu vas aller me chercher un petit bourgogne ligoté pour commencer. Et sur le chemin du retour, tu m'apporteras une chaise que je trinque avec mes amis. Et voilà. Allez, maintenant, tu m'en mets cette vilaine bouteille de Badois. Comment ça, non? Écoute-moi, grand niasse. Si tu, soit tu te tais et la bouteille repart tranquille en cuisine, soit tu continues de t'agiter et la bouteille, je la fais disparaître ailleurs. Ah, oh, on la ramène-moi maintenant, hein? Bon, on va commencer les hostilités. Tiens, goûte-moi ça, toi. Ah, je vois, on fait sa mauvaise tête. Tiens, le journaliste, au lieu de glander, attache-moi ce vilain récalcitrant avec le fil de ton micro. Allez, bois. Oui, c'est bien, oui. Tu changes d'envie maintenant? Non? Tiens, un autre verre. C'est bien, mon lapin. Un autre? On continue. Et ben voilà, il est fini ce premier litron. Garçon, une bouteille de rouge maintenant. Au bout de 23 bouteilles, je lui ai foutu la paix à mon nouvel ami. Eh bien, croyez-moi ou pas, j'ai fait quelque chose d'utile. À la sortie, sa femme l'a pris dans les bras, elle lui a dit qu'elle allait porter plainte au commissariat. Il l'a giflé, il a pris la direction du premier magasin Nicolas. J'avais gagné. Pour la suite, mon équipe et moi, nous sommes passés devant une école juste au moment de la sortie. Je me suis dit, Helmut, voilà une occasion unique de montrer à la France entière que pour une éducation citoyenne, il faut s'y prendre tôt. J'ai abordé un gamin qui était en train de manger un petit choco BN et de boire un yop. Salut morveux, ça va? Ah ben tant mieux. Oh, j'ai une de ces soifs, moi. Tu me donnes un peu de ton yop? Ah, merci, c'est gentil. Ah, bah merde alors, il n'y en a plus. T'avais encore soif, morveux? Oui? Allez, tiens, tonton Helmut, il va te donner un peu de sa boisson aussi. Allez, bois, morveux! Oui, c'est bien. Tu me finis tout ça, morveux. Allez, bon Dieu, tu vois? Tu finis ou je bouffe ton BN? Voilà. C'est bien, il a bu son premier litron, c'est comme un grand. Allez, rentre chez toi, morveux. N'oublie pas de demander à ta mère de t'acheter du pinard maintenant. Et voilà! Pour finir la journée, j'ai été distribuer des bouteilles au péage. Bon, je vous laisse, on m'a demandé de tourner une pub pour vanter les bienfaits de l'alcool quand on fait du sport. Allez, au revoir, Zen.